On se retrouvait à 30 ans, avec du mal à se lever. On ne voulait plus faire d'enfant, on ne savait plus écouter. On ne parlait qu'en cas euros, nos chemises étaient délavées. Il ne faisait jamais trop chaud, on voulait que dure l'été. Presque soumis aux libéraux, à la stricte loi du marché. On ne jouait plus au loto, on marchait la tête baissée. On n'avait plus trop d'idéaux, la nuit où Strauss canait tombait. On se retrouvait à 20 ans, avec nos lèvres un peu gercées. On n'était plus très innocents, notre avenir était financé. Ce n'était définitivement pas comme le chantait Pierre Bachelet. On composait machinalement le même code PIN sur nos claviers. T'es un peu trop sur terre. L'ambiance nouveau siècle s'est vantée. On n'en voulait plus à nos pères. On trouvait vulgaire de bronzer. On ne croyait plus à la guerre. Le jour où New York est tombé, on se retrouvait à 10 ans. Nos considérations premières, c'était la marque de nos vêtements, la bonne virgule sur nos visières. On nous promettait le chômage, la fin du monde, la récession. On ignorait tout du courage, on ne posait plus de questions. On n'était pas vraiment en stress quand l'URSS est tombée. On se retrouvait à 30 ans, avec du mal à se lever. On ne voulait plus faire d'enfants, on ne savait pas.